vie a plus que leur fée. Des vivants qui se croient vivants cherchent les morts qu'ils croient morts. Ce sont des ombres qui poursuivent les ombres dont la fibre d'un beau jour déchirer le poil d'Orphée. Instant qui passe, arrête-toi. Toi que j'aime, reviens-moi. S'il est bien vrai que je t'aime. Déchirer le poil d'Orphée. Thank you.